Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau mag sur Radioactive. Aujourd'hui, nous revenons sur une initiative qui a réchauffé les cœurs et mis les corps en mouvement ces dernières semaines, un projet santé baptisé Tango Connexion. Vous vous en souvenez peut-être, nous avions déjà abordé ce projet dans notre chronique Santé chez vous. Tango Connexion, c'est un programme unique qui utilise la danse, et plus précisément le tango, pour accompagner les patients atteints de maladies neurodégénératives. Des personnes disposant d'une prescription médicale ont donc pu participer à des séances au foyer Malétrenne d'Amboise, en venant accompagner pour certains de leurs conjoints aidants. Retour donc sur ce projet, on commence par l'intervention d'Aude Leloup, coordinatrice de santé pour la communauté professionnelle territoriale de santé Asclépios, qui nous explique pourquoi le tango est particulièrement bénéfique pour ses patients. Moi j'ai lu 13 publications sur le sujet qui ont étudié les effets spécifiques du tango sur les symptômes des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Les études portent sur ces deux pathologies. Et elles ont un effet positif global, donc sur la gravité motrice des personnes, sur leur équilibre, sur l'augmentation de leur vitesse de marche. Ça diminue donc le risque de chute. Elles améliorent le temps de réalisation d'une tâche. Elles améliorent leur cognition spatiale, leur état de fatigue, les relations sociales. Ça augmente la confiance en elles et améliore la qualité de vie. Du coup, dans ce tango, il est possible de venir avec son conjoint, puisque ça permet de partager une activité de loisir qui a une incidence positive sur la relation dans le couple. Et cela permettra au patient de reprendre pendant un petit temps sa place et plus être dans la situation d'aider. Lors de leur venue dans notre studio, Martin Lionti et Caroline Mondon, professeurs de danse professionnelle, ont pu également nous apporter leur vision et leurs expériences en tant que piliers de cette initiative. Il faut savoir qu'en dehors de la maladie, il y a des études qui ont montré qu'au niveau du cerveau, il y a une aire motrice qui va donc commander les mouvements, et il y a une aire auditive qui reçoit tous les sons, et en fait il y a des liens entre ces deux aires cérébrales, et c'est ce qui explique que quand on écoute une musique très rythmée, on a envie de bouger. Ça nous est tous arrivé, on voit même des petits, dès qu'ils savent marcher, ils sont debout et dès qu'ils entendent de la musique rythmée, ils bougent, parce qu'il y a un lien entre ces deux aires cérébrales. Et du coup, pour les patients qui sont concernés par les séances de tango-thérapie, il se trouve que le rythme du tango argentin, il est très proche de celui de la marche. Et donc, écouter du tango argentin, ça permet à l'aire motrice de mieux coordonner les mouvements de la marche. Et ça a été démontré par des études et c'est assez spectaculaire de voir comment les personnes arrivent à recoordonner les mouvements de la marche en suivant ce rythme du tango argentin. Et puis, le tango, il y a déjà pas mal d'ateliers de tango-thérapie qui ont été menés depuis ces dernières années un peu partout en France et dans le monde et qui ont permis de démontrer que ce tango argentin aide ses patients à plusieurs niveaux. Au niveau physique, déjà, comme ça a été dit précédemment, il aide à redécouvrir le mouvement de leur propre corps. Il y a certaines personnes qui, à cause de la maladie, vont être inhibées dans leur mouvement parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que ça ne fonctionne plus. Donc là, ils vont redécouvrir certains mouvements qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps, certainement. Ça aide à travailler la marche, l'équilibre et la coordination des mouvements. Donc ça va éviter aussi les chutes dont on parlait tout à l'heure, qui sont très, on le sait, dangereuse, en particulier pour les personnes âgées. Au niveau mental, il va stimuler l'écoute et la concentration. Il y a aussi le plaisir d'écouter de la musique. Ça peut aussi rappeler des souvenirs à certains. Et puis au niveau social aussi, c'est très très important. C'est un moteur d'interaction à travers la musique et à travers le contact physique qui génère des sensations et des émotions que certains patients ont parfois oubliées puisqu'ils s'isolent dans la maladie très souvent. Donc là, on va générer à nouveau du contact. Donc ça va aussi améliorer la confiance en soi, et on sait le bénéfice que ça peut avoir d'avoir confiance en soi pour se lancer dans des activités, pour oser aussi essayer à nouveau de marcher, essayer à nouveau de bouger, essayer à nouveau d'aller vers l'autre. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette danse est une communication autre que verbale, et on sait que la communication verbale pour certains patients, c'est devenu difficile. Donc ça, cet ensemble de bénéfices. Et c'est aussi important de souligner que c'est une pratique non médicamenteuse. Et oui. Donc voilà, ça peut... C'est vraiment tout bénéf. Voilà, exactement. Le tango thérapeutique, il y a beaucoup de bénéfices. Donc bon, j'ai suivi une formation intitulée « Le tango pour les aînés », l'empathie corporelle au service d'un mieux-être. Et j'ai rencontré des professionnels et des chercheurs qui font un travail de fond depuis plus de 20 ans en France sur ces problématiques. Et pour clore ce mag, je vous propose un reportage immersif qui va nous plonger dans l'ambiance de la toute première séance de Tango Connexion où Martin Lionti a pu initier la vingtaine de participants présents. On va se donner les mains comme ça et on se dit les noms, comme ça. Je vais. Monique. C'est bien. Donc comme ça, on bouge un peu le corps et je vais vous la musique. Vous savez danser le tango argentin, non? Le tango, forcément. Oh, oui. C'est ça qu'on va danser comme ça. C'est la marche. Il y a un très bel groupe ici. Hein. Et maintenant, c'est tout simple. On se prend les mains et on va essayer de changer les poids d'une jambe à l'autre, comme ça. Après, en un moment, on commence à marcher, tout doucement. Tac, tac, tac. On se peut arrêter. On va essayer comme ça, vous? Oui, c'est bien. On va continuer doucement. Si quelqu'un veut changer de partenaire. Oh, ben, je viens, madame. Bah écoutez, c'est Marceau. C'est celui-là, vous le connaissez? On va continuer. On reprend petit à petit l'équilibre. L'idée, c'est de marcher doucement, synchroniser avec notre partenaire. On essaye ça? Avec les yeux fermés, il ne faut pas se déplacer. Comme ça, on va apprendre un peu le sens de la musique et on va se détendre. On prend bien de où est son poids, si c'est d'un côté, de l'autre côté. Je peux faire une pause. Petit à petit, on va donner un peu plus d'intention. Il faut être plus précis. Donc, comme ça, on marche doucement. Je peux marcher d'ici en face. On va essayer ça maintenant, de ne pas marcher tout le temps. On s'arrête. Donc c'était la première séance. Martin, aujourd'hui, est-ce que ça s'est bien passé? Oui, c'est très bien passé. Il y a beaucoup de monde, plus de 20 personnes à peu près. Une vingtaine de personnes, oui. Donc oui, ça a très bien passé. Il y a des relations sociales, surtout c'est ça, des personnes qui restent assis au début, mais après ils se mettent à danser. Donc oui, c'est voir dans les visages des gens qu'ils sont contents, que c'est autre chose. Et tout à l'heure, tu dansais avec un monsieur et tu me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai dansé avec un monsieur qui, bon, lui a des tremblements, mais petit à petit, lui a pris la marche avec moi, qu'on le peut rassurer dans chaque pas. Et lui, bon, à un moment, les tremblements, ils sont arrêtés. Donc, c'est magique le tango pour développer cette formation, c'est magique. Et puis comme tu le disais, il y a un côté convivial parce qu'il y a des personnes qui sont venues en couple mais qui ont échangé de partenaire quand même pour danser. Oui, oui, exactement, les côtés sociaux, les gens ils partagent un moment convivial, partagent des partenaires, donc oui, c'est la relation humaine qu'il y a, c'est autre chose, ça change un peu la vie quotidienne de certaines personnes. Bah, bravo en tout cas et merci. Merci beaucoup, merci à vous. Quel est votre prénom? Chantal. Alors Chantal, est-ce que vous avez apprécié votre expérience aujourd'hui? Tout à fait, mais j'ai beaucoup de progrès à faire. Ah bon? Oh bah, je trouvais que c'était très bien, moi. En tout cas, vous avez eu le sourire tout le long. Bon, ça compense mes défauts de danse. À renouveler, vous reviendrez? Bien sûr, avec plaisir. Tango Connexion, une initiative qui s'est avérée être bien plus qu'un programme de danse, mais un moment de partage, une bouffée d'air frais pour des patients et leurs familles. Merci à Aude Leloup, Martin Lionti et Caroline Mondon d'avoir partagé avec nous leur passion et leur engagement. C'est la fin de ce mag, restez à l'écoute de nos programmes et à très vite sur Radioactive.